visibilité pourra être meilleure. Si je ralentis? Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je dépasse le camion? Oui, réponse C. Non, réponse D.